Amis humains, bonjour. Je vous propose une série d'articles, toujours dans notre série sur la robotique. Un thème croustillant, sexe et robots, les liaisons dangereuses numéro 3. Peau sensible au toucher aujourd'hui, la robotique connaît de fracassants progrès en Europe, aux États-Unis et au Japon. Du simple Roomba, robot aspirateur, au sophistiqué Da Vinci, robot médical, il en existerait 11,5 millions dans le monde. Cette année, l'armée américaine a loué 7 millions de dollars, 5,4 millions d'euros, à un programme de recherche nommé Avatar, visant à envoyer des bipèdes semi-autonomes sur les champs de bataille. En France, une équipe de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris, ESCPI, a inventé un matériau permettant de créer une peau de robot sensible au toucher, différenciant les coups des caresses. En 2010, au Japon, pays le plus en pointe en matière d'anthropomorphisme, naissait Geminori F, Android Guard. Malade capable de dialoguer, au point de partager l'affiche avec de vraies comédiennes dans la pièce de théâtre de Tchekhov Les Trois Sœurs, mise en scène par Ozira Hirata à Gennevilliers en décembre dernier. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'évolution impressionne plus encore. En 2011, le logiciel Cleverbo, inventé par un informaticien britannique, a conversé avec un panel de chatteurs. 59,3% des personnes ont cru que leur interlocuteur était un être humain. Pour la première fois de l'histoire, une machine dépassait les 50% dans cette expérience, connue sous le nom de test de Turing. Un robot ayant l'intelligence de Cleverbo, l'habileté d'Avatar, les traits fins de Geminori relèguera très vite Roxxxio rang des antiquités. Véritable vie de couple dans son ouvrage plutôt utopiste, David Levy liste les atouts des futurs androïdes lubriques. Fini les difficultés d'érection, l'éjaculation précoce, la peur de la contre-performance, il suffira d'employer des robots sexuels, programmés avec les connaissances psychologiques nécessaires, pour traiter ces dysfonctionnements courants, écrit le chercheur. Les robots pourraient aussi contribuer à lever, en France, le tabou de l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. Oubliez aussi la prostitution, avec les trafics humains et la propagation de MST qu'elle engendre, les robots seront en mesure d'offrir des rapports sans contrainte aux personnes qui n'ont pas de succès, assure-t-il. Dans le même registre à la Nostradamus, Ian Newman et Michel Mars, deux chercheurs néo-zélandais, ont récemment prophétisé l'ouverture, à Amsterdam en 2050, d'une maison close appelée Yabium. Un bordel d'un nouveau genre, où les péripatéticiennes seront de sympathiques humanoïdes aux formes généreuses, munis d'un disque dur à la place du cerveau, pourquoi pas d'un lecteur de cartes de paiement au niveau du cœur. Et l'amour, dans tout ça, sujet tarte à la crème. Il existe quelques rares âmes épris de poupées gonflables, comme à Détroit, un certain avocat, 27 ans, fou de Sidor, jouet qu'il considère comme son épouse, dont les télévisions et sites web font régulièrement leur miel. Plus que le sexe, la firme de Douglas Inn a axé sa communication sur la possibilité d'une véritable vie de couple avec Roxxxi. C'est une compagne, assure l'ingénieur dégarni. Elle a une personnalité, elle vous entend, elle est à votre écoute, elle parle. Elle sent votre contact, une charte du robot loufoque. Dans le principe, pas tant que ça. L'intelligence émotionnelle est une part essentielle de notre être et s'applique à tout, rappelle Jérôme Goffet, maître de conférences en philosophie des sciences à l'université Lyon et auteur de Naissance de l'anthropotechnie, Vrin, 2006. La frontière entre l'amour pour des personnes et l'affection pour des objets est peut-être plus poreuse qu'on ne l'imagine. De ce fait, l'amour envers un robot demeure une question intéressante, quand on voit ce que certains peuvent éprouver pour un tableau ou un animal de compagnie. Le psychanalyste Donald Winnicott parlait, à propos des peluches des enfants, d'objets transitionnels qui se trouvent investis d'attachement et d'amour, faisant le relais et le lien avec les figures maternelles et paternelles. Le robot pourrait jouer un tel rôle, voire plus, en théorie, oui, en réalité, on en est encore loin. Fin et suite de Sexe et Robots, les liaisons dangereuses. À bientôt, grosse bise numérique.